Planète Rap, 100% rap français. Et c'est parti pour cette grosse nocturne juste après Difool, comme chaque vendredi soir, une nocturne qui va vous faire plaisir, j'en suis sûr, avec une heure de nouveautés comme par exemple Fababy qu'on a reçu cette semaine entre 20h et 21h. Le morceau, tiens, on écoutera le morceau de Fababy avec Naza et Que Black qui a été beaucoup demandé, ces températures. D'ailleurs, on va se faire une petite session pour débuter avec des sonorités afro. Ce sera le cas du morceau d'Alonzo, de Spike Miller, à écouter dans un instant. Évidemment, le Afro Trap 6 avec MHD. On va débuter avec Fababy et son titre Ma Petite. Grosse dédicace à Fababy. Il a sorti son album aujourd'hui. On a pu le fêter toute cette semaine dans Planète Rap. Et puis la deuxième heure de la nocturne. Je sais que vous l'attendiez il y a un mois, un peu plus d'un mois. On faisait une nocturne spéciale année 1998. Cette fois-ci, on grimpe d'une année. Spéciale nocturne 1999. Je peux vous dire, ça va nous replonger dans des morceaux, des souvenirs. Ce sera d'ici une petite heure maintenant. Et la coup d'envoi de la nocturne 100% rap français. Je compte sur vous pour faire le buzz comme d'hab sur les réseaux sociaux. Le hashtag, c'est la nocturne Skyrock. Le hashtag la nocturne ou alors le hashtag Skyrock. Et là, on est parti pour une heure de nouveautés avant d'attaquer la nocturne classique d'ici une petite heure. Spécial 1999. Planète Rap, 100% rap français. Coup d'envoi de cette session afro maintenant. Fababy, ma petite, c'est sur son album, c'est dans les bacs. Maman est malade, son fils est pas là. Drill Tabana, je veux savoir ce qu'elle pense de moi. Mais rien qu'elle danse pour moi. Chabine, Bini, rien n'est fini. Mais sois pas timide, ta mère fait que m'appeler. Je crois qu'elle sait que je passe en télé. J'sais que ma musique vaut de l'or et Camille n'a rien de voir. Elle me guette au carré, vivait dans sa zone, tout sur la bise. J'sais que l'alcool, bah c'est de l'eau. Charmant, mais elle a eu que des amants. À chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. À chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. À chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. À chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. Ma petite oh, ma petite, j'ai dit ma petite oh, ma petite. Ma petite oh, ma petite, j'ai dit ma petite oh, ma petite. Ma petite oh, ma petite, j'ai dit ma petite oh. Le garçon est mignon, la fille est mignonne. Le garçon est

my god, ma pépita, et que je touche de la guitare, ma pépita, tous les hommes c'est des bâtards, oh, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. L'album arrive le 15 avril. Afro Trap 6, Molo Molo, dans la Nocturne 100% rap français. Loupez pas tout à l'heure, Nocturne spéciale classique, année 99 à l'honneur. 100% rap français, Planète Rap. La Nocturne. Et son album fait un véritable carton, on est content pour l'artiste. On l'écoute maintenant. Combien tu t'appelles ? Du son de Cozy qui se prépare aussi à découvrir dans un instant une exclue pour la Nocturne. T'aimes les chiffres, on est gros bolides. Arrête ça. Provoquer les petits colis. Arrête ça. Quand tu marches, tout le monde te valide. Arrête ça. Ton talent, c'est ta pyramide. Arrête ça. Quand j'ai la balle, ils font des appels. Meneur de jeu, c'est moi qui distille. Quand j'avais la dalle, tu faisais l'appel. Maintenant tu m'appelles, tu dis que j'ai du style. Rien n'est trop bon pour toi. Rien n'est trop tu aimes bon. Les voir se sacrifier. Se sacrifier. Rien n'est trop cher pour toi. pour toi. Tu n'as vraiment aucune pitié. Ma chérie, combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Mais dis-moi combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Mais comment tu t'appelles? Je sens que tu ne t'en souviens plus. Je crois qu'elle a trop bu. Mais combien ça te rapporte d'épouser une crapule pour valoriser ton statut? Mais dis-moi comment. Dès qu'elle s'est mise à bouger, ma carte bleue a rougi. Avant toi je connaissais EDF, maintenant je tourne à la bougie. Dès qu'elle s'est mise à bouger, ma carte bleue a rougi. Elle m'a mis à découvert, moi qui voulais la découvrir. Rien n'est trop bon pour toi. Tu aimes les voir se sacrifier. Rien n'est trop cher pour toi. Tu n'as vraiment aucune pitié. Ma chérie, combien tu t'appelles? Diamants, de l'or et des perles, des diamants, de l'or et des perles, et de l'amour en pourboire. Ma chérie, combien tu t'appelles? Explicite lyrics. La nocturne. Exclu pour la nocturne. Réseau Cozy. Par deux fois maintenant. J'éteins mes lumières. J'y vois plus clair. Dans ma tête, c'est la demeure. Je te le dis clairement, j'ai la frappe d'Adriano. Du 9 de Milanello. Tu veux de la peau, frappe bien pécho. Négro c'est chaud, ici c'est Paname, demande à Thiago. Comportement mauvais, mes négros m'ont surnommé Joe. Partout où je pars, je fous la demeure, moi ma Santiago. Négro, négro, négro, décroche ton bigot. Appelle pas en masqué, tu vas faire brouiller mon réseau. Ouais, allô, c'est qui là? Ouais, man, viens ou quoi, tu dates, Niamar? Non, et toi, tu parles grave sur les gens, toi. Ah ouais, hey, Niamar, arrête tes conneries. Non, je t'ai déjà abrité. Écoute, si j'ai un truc à dire, je te dis déjà j'en face, cousin. Et si toi t'as un truc à me dire, viens me voir au lieu de bigot. Tu sais où prouver, Niamar. J'ai pas changé, frère. Ah non, j'ai pas changé. T'as pas changé, hein. J'ai pas géchant. Niamar, je suis toujours le même. Les faux frères manquent à l'appel. On t'enterre la faucheuse, m'attends, tu s'appelles. Et ne font que de jacter. Tu rôdes mon jack sur le palmier. J'suis loin du peura. J'pense qu'à faire du papier. J'éteins la lumière et j'y vois plus clair. Dans ma tête c'est la demeure. J'te le dis clairement, j'ai la frappe d'Adriano. Du 9 de Milanello. Tu veux de la peau, frappe bien pécho. Négro c'est chaud. Ici c'est Paname, demande à Thiago. Comportement mauvais. Mes négros m'ont surnommé Joe. Partout où j'pars j'fous la demeure. Moi ma Santiago. Négro, négro, négro, décroche ton bigot. Appelle pas en masqué, tu vas faire brouiller mon réseau. Niama. Les parts ne meurent jamais. Dealer BR 80 The Doux. Tous les quartiers de France. On est ensemble. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, 7-5, 7-8. Celle-là, c'est pour tous les checkers. On n'oublie personne. Rest in peace. A tous mes niamas. On pense à vous. Ma tête c'est la demeure, je te le dis clairement, j'ai la frappe d'Adriano. Du neuf de Milanello. Tu veux de la peu frappe, viens pécho. Les gros c'est chaud, ici c'est Panam, demande à Thiago. Comportement mauvais, mes négros m'ont surnommé Joe. Partout où je passe, je fous la demeure, comme à Santiago. Négro, négro, négro, décroche ton bigot. Appelle pas en masqué, tu vas faire brouiller mon réseau. Nocturne, Cozy. Réseau, c'est le nom de ce morceau, il en solo et on va le retrouver en combinaison maintenant, Cozy, avec un morceau qui s'appelle Glock chargé. 100%. Planète rap. Dorso du 9-3. Boleman du 9-1. Cozy, Niama. 9-2. Bang, bang. Chip Norris, le dernier de dinosaures. Dinoma. Abitu Gangsta. Johnny Sasa, check fou. On ramène les libangas dans le rap français, ma gueule. Hein? Coute ça, coute ça. Mais qui a dit qu'un Congolais PC son froc ici? Bloc chargé, bloc chargé. Bouteille de Jack, 9 milli. Bloc chargé, le premier qui bouge, on va lui allumer sa remet. Tu parles beaucoup, t'assumes pas. Imbécile, viens que je te casse le nez. Après la pluie, vers le beau temps, je crois bien qu'il est l'heure de mon succès. Toi, tu veux être ma Halel, t'as les tours comme Nolwenn. Je te fais la fête, Numba, même si c'est pas Noël. La City, ça galère, ça pipi, ça soulève des haltères. Un coup de feu, tu retrouves des mecs à terre. Gamos rempli de fumée, les budgets, les mbis, la nous piste. Ta big grave de trois poches, t'en veux, et tu te prends pour un grossiste. Imbécile. Le pleurin c'était mieux avant, c'est ce que diront les puristes. Pour percer, aller de l'avant, ton MC suçait des pénis. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Te copier ta massa, signama si tu causes trop. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant non gamo, j't'ai mandé ma soco. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Copéta m'assassine à ma si tu poses trop. Dans le bento tout est noir, viens pas si t'es close trop. J'mets pas avant mon gars, moi j't'ai madé ma soco. Oui, oui, oui, j'viens de Paris. Cagoulé comme les tracoles. C'est de la frappe ou de la soumise. J'aime quand ta femme, quand elle est soumise. Rafale en camise. Ils demandent si j'suis à Vicaris. Ils ont les chics pour un plus tarif. On les mignons, mais dégage, on cacarise. Mon père joue à Wara. Mon cœur est plus sombre qu'un Jawara. Vite un thé qui sort du garage. Je veux pas d'angoisse avec une peur de warage. Jack Fumara. Tonida comme Timon et Pumba. Nyama Ndumba. Je vais sortir les calages comme les Farouk Ndumbia. Le télé tu distingues. Je suis pas jeune que tout du distingue. Je crache un moulard au magistrat. Et enfin Taya comme Lionel le Jospin. On parle dans la tombe. Je suis dans le prochain attendre. Je fais un 8 du 9-3, les gangs de Chicago, les ailes d'Atlanta. Tu la masses sur Twitter, elle me mate en tant qu'idole. Si t'esquives l'hypercute, tu vas grailler le middle. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Te copier ta masse, signe à main si tu poses trop. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant, non gars, moi j't'ai mandé ma soco. Prends mon snap, bobo, va FK ma soupape pour faire des chéchés. Mon négro fait bellec à ta chérie, car elle m'envoie ses gros ma belle en selfie. Préliminaire sans modération, ton rappeur préféré est gay, se branle sur mes sons. 400 coups de feu sur les feux du monde, et les histoires qu'elle souffre un bon coup comme les descendants. B.O.L.E. Nyama, Shida, Ra, Libolo, Yama, Manabino. J'contente des mecs qui t'allument pour un regard. Bestie et sueur si tu tombes sur la camo. C'est pas un featuring, c'est des mbata. Baiser le rap, c'est trop facile, j'mets des coups de rat. Béta, j'me suis débarrassé ton gava, car dans les descentes, ce bâtard ne valait rien. La bagarre n'existe plus, tire-toi au premier bruit du clac. Seven Bex et Baltimore, séquestration dans le 14 Black. Libéré One Shot, bande de John Joe, on vient sous votre AD, on se pose et on prend tout. Comme mon gars Astro, je pense qu'à faire des gars. Si ma Lucas, si c'est Kékette en moi.

Tranquillou. Qu'est-ce que tu fous? Rien, je suis là, là, je suis rentré là, c'était quoi toi? Au quartier? Ouais, non, tu vois, je suis partout, dans les télés, en playlist, en poster. La violence, j'ai grandi avec, et ça était comme hiver. Lève ton verre à ma santé, parce que chanter, je sais le faire. Marche seul, m'a dit mon père. Surveille tes arrières. Coup par coup, mon arme dégaine. Mon arme te dit bonjour d'un œil. J'ai claqué 10 balles dans la semaine. Voilà comment j'ai fait mon deuil. Trop souvent, je me sens seul. Où sont mes copains d'avant? Les souvenirs au fond d'un tiroir. Quand je pleure, je mets le son à fond. Accélération sur la N7 en location. Y'a du don perdu, moi et Chandon. Mais aucune célébration. Je mène plus la même vie qu'avant. J'ai plus de problèmes, plus d'argent. Je remonte la pente, je remonte au score dans le dernier carton. Je deviens fou. Je rêvais de plein de choses, de quoi devenir fou. J'ai les yeux rouges sans choper tes choix flou. Crois-moi frérot, je deviens fou. Je deviens fou. Je rêvais de plein de choses, de quoi devenir fou. J'ai les yeux rouges sans choper tes choix flou. Je deviens fou. Ils ont pris la confiance, j'aurais pas dû les laisser faire. Trop souvent je raconte la même misère. Été comme hiver. M'appelle pas le sang, m'appelle pas la famille, m'appelle pas le S. Elle me manque l'époque de fait les fils de cette putain de caisse. Comme les grands, je voulais ma paire de quartier. Quatre saisons, je suis posé dans ton secteur. Je me sens chez moi comme à la maison. J'fume trop, j'perds la raison. J'ai pique grave 4 saisons. J'suis dans le quartier, j'vois mon frère se faire embarquer par la BAC. J'suis sapé comme un fils de blindé pour serrer cette gadji. J'ai mon plan d'attaque. J'ai pas squatté les bancs de la fac. J'étais dans le bloc avec mes ronds. La bique gravée dans ma tête. Signe-moi dans ton appel pour 5-0. Ouais, non, tu vois, j'ai la sortie. T'es un bon. Je te rappelle. Je deviens fou. Je rêvais de plein de choses, de quoi devenir fou. J'ai les yeux rouges sans choper tes voix flou. Crois-moi frérot, je deviens fou. Je deviens fou. Je rêvais de plein de choses, de quoi devenir fou. J'ai les yeux rouges sans choper tes voix flou. Crois-moi frérot, je deviens fou. C'est la nocturne avec Ousse. La nocturne 100% rap français, 100% classique. Année 99 à l'honneur. Allez, coup d'envoi dans une petite vingtaine de minutes. Le temps d'écouter encore du son. Tiers-Monde qui nous a balancé sa nouveauté en attendant son album le 29 avril prochain. Cool Chain aussi, c'est ce qu'on va écouter maintenant. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Si tu te demandes pourquoi je reviens, je te réponds cash, pas pour le salaire, pour ça y'a le poker. Moi c'est juste prendre un beat et puis l'unique sa mère. Je fais ça pour le kiff, je suis pas vraiment en galère. Y'a longtemps que j'écris plus à la lumière du lampadaire. Je rappe sans protéines, chez moi c'est inné. Sans être un prodéine, sans produit codéiné. J'arrive plein de testo, viens pas me tester. Vu que pour moi tes lyrics c'est des textos. Infestés de faute, je vais délester. Paraît que je suis dépassé, que je peux pas prendre des sons trap. Paraît que je suis déclassé, classé. Paraît que dans mon passé, j'ai pas servi que de la frappe, pourtant j'étais surclassé. S'agit pas de boom bap, trap ou de boom jack. Pour moi c'est que de la zik et dans le fond c'est le flow qui compte. Garde un bout de watt, ta plume ton coup de batte. C'est les MC sans inspire, sans ego qui bondent. Paraît que j'ai trop d'ego, en fait j'suis trop fort et je le sais, confond pas. Ça n'a rien à voir, confond pas. J'suis lucide, j'me connais, plus de 140 de QI. C'est le bruit que tu fais quand tu fuis. J'pose à la vibe, loin du business. J'préfère être une vraie légende qu'être dans le Guinness. Tu me bloques l'accès, je passe en finesse. À l'aise, à l'aise, sans jamais de malaise. Tu fonds du gouffre en haut de la falaise. J'parais balèze, balèze. Paraît que j'suis dépassé, que j'peux pas prendre des sons trap. Paraît que j'suis déclassé, classé. Paraît que dans mon passé, j'ai pas servi que de la frappe, pourtant j'étais surclassé.

étouffe, on étouffe, on étouffe ça à genoux. On recherche des fautifs, mais je sais que ça vient de nous. On empile les étages, on écrase qui a en dessous. La paix, la haine, la guerre. Planète Rap, 100% rap français. Nac dans la nocturne avec Lino. Viens voir ma vie de près, je fais pas semblant, fils d'immigré, passé sanglant, veulent m'imiter, frapper sans gants sont limités, je peine dans le sang d'encre, le bateau quitte les côtes, ça donne naissance à des kilos de coke, je gagne pas à l'heure, fucking loto, je triche mais c'est Dieu qui siffle les fautes, je vole aux riches, mais skin les pauvres, t'es mieux que moi, qu'est-ce qui me le prouve, j'éteins, je sais pas ce qu'il me trouve, en poussant danger, skive le trou, je taperai pas dans ton kilo tout, moi j'aime la drogue tant qu'elle est douce, moi je voulais une vie tranquille et tout, mais je taperai pas dans ton kilo tout, j'ai même pas ce qui nous pousse, je voulais ta vie enculé de bouge, on sort des assises, aucun n'est debout. Ouais, je te jure, aucun n'est debout. Oh, j'ai fait du mal. L'avocat a dit au juge, avait-il le choix? Hier soir, j'ai craché ma haine dans une file de joie. Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Je comprends qu'on est fâché. Tu me juges, toi, depuis quand les juges ont des casiers? Ne me juge pas, ne me juge pas. Ne me juge pas, ne me juge pas. Je comprends qu'on est fâché. Juge-toi depuis quand les juges ont des casiers. Béton armé, zone de guerre. Grandir cramé, on sombre éclair. Dans mes carnets, j'écorche le monde. Le diable a charmé les jobs précaires. La paire canée, les crosses, les montres. Les anges sont damnés, je bouche l'éclair. La brigue s'est ramenée, les projets se montrent. Le mal incarné, le compas, l'équerre. On va s'acharner, le temps passe vite. J'ai ma place dans le panier, même sans passe VIP. Du fer au poignet, de l'or sans torse. Le mal accompagné, on va au casse-pipe. On rêve de palmier, les rues sont ternes. On joue pour gagner, la nuit touche à son terme. Les roses sont fanées, les flingues parlent fort. Les portes condamnées, que les balles perforent. Des mandats d'amener, des mandats de dépôt. On perd des années, le monde sur les épaules. Du feu sur le damier, la vie crève les pauvres. L'orage s'est calmé, au ciel lève les paumes. Les villes enflammées, j'en les causes perdues. Les coins mal famés, blanches et grosses verdures. Du sang réclamé, du vice en vertu. Des drames programmés, supplice amertume. J'ai les alarmés, j'ai déjà fait le tour. Les flics informés, faut nettoyer le four. Qu'il faut blâmer, si les lois se violent. Tricard comme jamais, faut nettoyer le foutre. Entre roi et fou, les échecs, on est cavaliers cherchant la brèche. Entre orage et foudre, fou, on a trois vallées de bluff, nous on rap, on la prêche. Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Je comprends qu'on est fâché. Tu me juges, toi, depuis quand les juges ont des casiers. Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Qu'on est fâché. Tu me juges, toi, depuis quand les juges ont des casiers. Notre avenir, on l'assassine. Plutôt nerveux, on marche à 6. T'es vieux, mais je garde la place assise. Et y'a que mort quand ça s'agit. Moi, bambou, là, sale racisme. Je quitte la France, ouais, mais pas ta fille. Fils de pute, non, dis pas ça petit. Des fois ça deal, et des fois ça tire. Des fois ça fonce, des fois ça pile. Ouais, ça pique, ouais, ouais, ça pille. À Paris, les mecs se billent. Comment ils s'habillent, je trouve ça zarbi. Ça travaille, ça tapine. Une cravate et un sac tati. C'est moi la risée, c'est moi le harki. J'suis mal arrivé, j'suis mal parti. C'est nous les clowns, hein, c'est ça que t'as dit. Genre patata et patati. Genre pas d'attache et pas de patrie. Glace à la racaille, n'est-ce pas papi? Oh, la valise n'est jamais très loin. Je sais qu'elle est pas là, ma life. De loin, tu vois pas la balade. Riez comme monsieur Mbalambala. Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Je comprends qu'on est fâché. Tu me juges, toi, depuis quand les juges ont des casiers. Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Je comprends qu'on est fâché. Tu me juges, toi, depuis quand les juges ont des casiers. Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Je comprends qu'on est fâché. Tu me juges, toi, depuis quand les juges ont des casiers. Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Je comprends qu'on est fâché. Tu me juges, toi, depuis quand les juges ont des casiers.

flow relax, hardcore je me place. Je froisse avec classe et tout le monde sait ce qui se passe. Hélas, pour ceux qui veulent me test, de jalousie me déteste. Issu d'une femme immodeste, je nique ta mère et le reste. Wesh c'est fou laisse, la chasse est ouverte, déclenche l'alerte. Mafia qu'un free, venez nombreux pour causer des pertes. Soldat universel, règne des pics au décal. Opérationnel pour niquer la viande parallèle. Zombie, je recrute seul mafia pour tous les quinfrés. Y'a pas de carré, qu'un seul mec pressé, c'était dit. Je suis pas mauvais garçon, arrache-toi de l'horizon, tire-toi de mon champ de vision, car c'est droit devant que nous visons. Ne te fais pas d'illusions, écoute plutôt ce que nous disons. De toute façon, c'est que tu kiffes, donc crache les provisions. Le cash sur une mission, sur la gloire nous misons. La route nous traçons, faisons invasion. Avec persuasion, l'unisson, collectif, expédition, punitif, sportif. Malgré la paix, espèce, comme shit explosif. Je lâche des bombes, cause des dégâts agra comme Hiroshima. Histoire de montrer à toi et tes gars qu'on joue pas les roches chez moi. Résultat, le taux de mortalité des pétés s'accroît. Ah, quand je m'arrête pas, encore et encore, pas à pas. On va aussi loin que la vie, la science-fiction, nous réalisons. Acte par Paris, meurtre en série sur la version. Incontesté, en pole position, pas de compétition. La concurrence, nous exécutons à vos femmes, nous plaisons. Appelez-moi Rof, je viens des plafonds vétrés. Je porte parole pour le centre esclan, mafia qu'un fri. Je reste frais, malgré jour 1 pour la money. J'ai un cœur pour les amis, est-ce qu'il faut pour mes ennemis? Appelle-moi Rof, je viens des plafonds vétrés. Parole pour le centre esclan, mafia qu'un free. Je reste frais, malgré que je roule un pour la monnaie. J'ai un cœur pour les amis, est-ce qu'il faut pour mes ennemis? Est-ce que j'assure? Ouais, mec, j'assure. Y'a pas d'autre, c'est clair, c'est du sûr. Est-ce que j'assure? Mec, j'assure. Y'a pas d'autre, c'est clair, c'est du sûr. Demande à Taragli, hardcore, sensation de speed. T'assure comme Rocco Siffredi. Je t'avertis, si elle me donne l'appétit, je l'arrêtis, sentier pis, mon petit. Sois sûr qu'elle t'oubliera, après je l'ai séduit. Hey baby, laisse-moi réaliser tes fantasmes. Satisfaction garantie, sans répit pour l'orgasme. C'était mignol, trop bon, gold, sans chichi, I love you. C'était mignol, trop bon, con, plein de magie. Mon regard attire les chiennes, car je suis un putain de loup. J'ai fait ma place devant les chiens, et je sais que pour eux c'est relou. Mais c'est comme ça, t'y peux rien. Et d'ailleurs, moi aussi, je crois bien que c'est le destin qui en a foudre ainsi. Mon chemin est tracé, ma voix va percer. Inch'Allah, le succès, mieux que ceux qui ont sucé l'espoir du ghetto pour bien représenter nos frères au cachot. Je dois bien dégoûter tous ces pédés de fachos. J'ai fait mon choix, je marche pas droit, mais plutôt travers. Je l'armée à l'endroit, parce qu'ils me la font à l'envers. Je réalise qu'on vit dans un merdier, le ghetto français. Avant de trépasser, je sais sur quel pied danser. J'ai poussé, sans plus ton cri, de par votre graine. Quel a mal porté ses fruits, vu vos enfants j'ingraine. Tout saigne, dans la rue comme sur scène, je fais des choses obscènes. Oui bébé, je suis bien ce qu'elle sur scène. Appelle-moi Rof, je viens des parfums vétrés. Je prends parole pour le centre esclan, mafia qu'un fri. Je reste vrai, malgré je roule un pour la monnaie. J'ai un cœur pour les amis, et ce qu'il faut pour mes ennemis. Appelle-moi Rof, je viens des parfums vétrés. Je prends parole pour le centre esclan, mafia qu'un fri. Je reste vrai, malgré je roule un pour la monnaie. J'ai un cœur pour les amis, et ce qu'il faut pour mes ennemis. Appelle-moi Rof, MC parmi des millions. Mon style est plus touchant que le chant de cette pute de Céline Dion. Mon lyrique c'est profond, comme un vagin. Pété ou agin, v'là le machin. Un truc de dingue, l'engin. Laisse tomber, dis-moi bien que je suis distingué sur le terrain. Ressens-moi bien, comme des séries de couturins dans tes reins. Beaucoup d'MC's, Rof qui tue. En fait, la merde y pue. Quand j'ai goûté, j'ai cru qu'il rappait du truc du cul. Arrête de rêver, réveille-toi. Et j'ai toi par la fenêtre, mise à la mort en direct. Pour vous faire reconnaître ma notoriété. Le mic, j'en ai fait ma propriété. Dans ta tête. Mon nom est gravé à perpétuité. Les gens vivront que mes Mylanders soient décapités. Car personne ne voit la sentence sera acquitté. Vu que j'ai tout niqué, le beat je m'en fais quitter. Maintenant tu sais qui je suis et je m'en bats les couilles de quitter. Est-ce que j'assure? Mec, j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr. Est-ce que j'assure? Mec, j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr. Est-ce que j'assure? Mec, j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr, est-ce que j'assure? Mec, j'assure, y'a pas d'autre. C'est clair, c'est du sûr, appelle-moi Rof. Je viens des barres sous vitrine. Je prends parole pour le centre esclan, mafia qu'un fri. Je reste frais, malgré que je roule un pour la monnaie. J'ai un cœur pour les amis, est-ce qu'il faut pour mes ennemis? Appelle-moi Rof. Je viens des barres sous vitrine. Je prends parole pour le centre esclan, mafia qu'un fri. Je reste frais, malgré que je roule un pour la monnaie. J'ai un cœur pour les amis, est-ce qu'il faut pour mes ennemis? Est-ce que tu kiffes bébé? Est-ce que tu veux bébé? Mafia qu'un fri bébé. Appelle-moi Rof bébé. Okay. Un 999 classique de l'année 99. Rof, appelle-moi Rof. Planète Rap, 100% rap français. Moi, ça fait longtemps que j'attends. Nocturne classique FF, sorti en 99, moi, leur série volume 1. Je les connais pas depuis des siècles, mais assez pour que des liens secrets quand même. On a fréquenté les mêmes coins, le même béton, et chez nous, ça c'est sacré quand même. Nique tout, ça c'est leur truc, ça. Comme ça, ouais, comme ça ils veulent s'en sortir. FF, c'est comme le flingue dans la main des mecs qui n'a plus rien à perdre. Ça cause des dégâts comme un jeune qui va à tout prix se sortir de la merde. De rien. Voilà de quoi il parle. C'est bien de quoi il parle. Et même si tu fais semblant, gazier, voilà ce qui t'attend. Tu le sais, mignon. Faire ça file si cool, man. Tu dis que nos textes, c'est violent tout de même. Quoi d'étonnant, la vie est dure et nous de même. Je ma coupe pleine, rabord sans attendre un coup de veine, ni servir la soupe même. S'il faut que mon groupe mène au score, ramène ta coupe aux écouteurs du Megastore. Rayon sous le rap 20, Megastore de rire sous skin quand le soir vient. Entre chien et loup, la chasse est ouverte. On tue peut-être pour rien, planquez-vous, sortez couverts. Dévoué au mien, prêt à servir comme une lame ouverte. Ici c'est pas l'Amérique, fini le temps des fausses découvertes. Si on aime le fric affirmatif qui crache dessus, si on aime les flics, je crois qu'il en faut, mais je leur crache dessus. Par phrase interposée, c'est qu'une conséquence la cause, c'est les claques des inspecteurs qui frappent fort comme Sosé. À la Kaiser, je bluffe, R.A.P. mieux que mon turf, ni ancien ni bébé. 7 ans à l'époque du Smurf, fais une revanche à France. Sois pas une Paris, si je suis un chéri, cherche pas à comprendre. On atteint son bonheur quand tu es un chéri. On nique tout bien, c'est-à-dire qu'on fait les choses au max. Une après-midi de chien, y'a qu'un beau jeu qui me relaxe bien. On nique tout, ni vu ni connu, ni reconnu. On nique tout, quoi d'autre, commande angoisse pure comme d'autres. On nique tout, on va se connaître, on se connaît, on s'est connu. Nique tout. Dédié aux gens durs, mais une vie dure. 9-9, faut que je déchire comme un scratch sur des JEL. Combien je représente pour MARSEIWL. Sur un piano de fun, font quitter la famille. Si je rappe, c'est pour m'éloigner un peu plus de la famine. Mon truc, c'est te relater la rue comme si t'y étais. T'en parler à te faire croire que t'y as été. De même que si tu te manques, on fera preuve de sévérité. C'est avec sincérité qu'FF crache ses vérités. En quoi nous croyons, en ce que nous créons, c'est quelques coups de crayon. Résumant l'environnement bouillant où nous peignons des textes brillants pour un avenir qui l'est moins. En ce qui nous concerne et de loin, en 2000-1. Alors lève ta main, ton point, ton joint. Si tu te reconnais, d'après les dires, ma section nique tout. Tu connais, quand on part, c'est en bas. Quand on en parle, c'est en bien. Ces rimes que j'écris, c'est la vie que je décris néanmoins. Si des rimes se perdent comme des balles à la sortie d'une banque, c'est que des fausses font la mal. Et nous faut pas qu'on les mange. C'est comme ça, l'espace qui nous soutient et ses coins de France. Seul le pouvoir du flic règne. De rien, voilà de quoi on part. Tu sais bien de quoi on part. Rien à foutre de savoir à qui tu nous compares. Est-ce qu'on fait de la merde, Louch? Non, on nique la merde. Et si des rimes se perdent, c'est qu'on nous a cherché des emmerdes. FF, FF, FF. De rien, voilà de quoi je parle, de quoi je parle, de tout et de rien, moi ça me met bien. Ouais. Quand je suis entouré des miens, tu as reconnu le timbre de voix. Comme convenu, je parle pas des connus qui sont folles de moi. Pendant que certains se font des sommes, ou pensent à belles sommes, on fait leur truc ensemble. Sans dégâts, en sachant qui nous sommes, de rien, y'a tout qui passe, pas de l'esbrouf, j'ai sous le choc. Comme un ami qui t'arrache le cœur, elle bouffe. En quel honneur on m'appelle petit frère, y'a personne au-dessus de moi, et pas l'expression qui tient, tu devrais t'y faire. La bonne impression, rien à foutre, je reste moi-même. Tu crois comme Ali Mohamed, nous tiens, c'est moi-même. Tu crois qui sait plus d'où je viens ou que je suis plus doux. Nique tout, bouge bien, il n'est plus de doute. On a toujours autant de haine, la vie est dure. Mon temps mène, donc laisse-toi faire maintenant, t'emmène. On nique tout. Autour de moi y'a rien de pareil. Et tellement de bus, nique tout avec ma mère. Je suis fier de mon fils, qui t'a morflé fils. En plus je me fiche de ce que certains disent. Je mise sur la réussite de mon bus. Moi et ma famille on s'allie pour shooter le shérif du comté. Interpeller tous les talents d'une ville, c'est la honte. On jouera plus les deuxièmes rôles, non. Pouvez y compter, donc à ce compte, à quoi ça sert de se la raconter. Ma vie a légèrement changé, mon rap me permet de manger. Je taille danger, manger de taille, pas de danger. J'ai tout fait pour arriver là où personne croyait. Voyez, ça sera dur de me renvoyer. On nique tout, ni vu ni connu, tu as reconnu. On nique tout. On nique tout. On va se connaître, on se connaît, on s'est connu. On nique tout. Hey mec, c'est d'eux que je te parlais. Planète rap, 100% rap français. Je lâche des rimes qui laisseront en éveil la racaille du Maya Marseille. Que ma mère paie qu'on fasse la caille. sang, y'a pagaille. C'est plus pareil, une cloche n'attire pas les chailles. Voici donc l'hymne à la canaille de France. Les mauvais garçons qui s'en balancent. C'est sûr qu'il a guine, c'est une sa marque et les stands trace. Si on fout le bronze, c'est qu'on trouve pas place. Je suis un de ceux qu'en boîte, on ne laisse pas rentrer. Ceux qui n'ont pas la gueule du client, à croire que sur mon feu, les inscrit à pointer. À force, ça devient trop chiant de voir ce John Rambo jouer les baraques. Pointé sec, pas moyen de l'endormir. Sans cul, il fait trop le mac. À chaque fois qu'il me dit, y'a pas moyen avec un air narco à fier. J'ai trop la haine, envie de le brûler. J'aimerais bien le voir à terre, ça m'intrigue. De savoir ce que ça fait, 120 kilos morflés, bouffer le sol. Après tout, je m'emballais. T'as des ordres, c'est ton patron qu'il faudrait gifler. D'abord, où il est? Appelle-le, j'ai à lui parler. Eh mec, laisse tomber, on va pas se gâcher la soirée pour ce petit pédé, non? Il n'a la racaille de France. Il ne mauvais garçon qui s'en balance. C'est sûr qu'il a dit sa charne avec arme et fait tant de séquelles. On aurait voulu s'en sortir, fuir, ne pas signer de vaisselle. Il n'a la gloire, la racaille, l'équipe. Les mecs avec qui on partage tant de peine et de joie. Sur qui on peut compter au cas où il y a un jab. Fier derrière son groupe comme les Marseille pour l'OM. 9-9, année du 3, c'était prédit par le bonhomme. Tu resteras quelqu'un de respectueux, comme à la tradition envers ta famille. Jamais renier tes origines, même sous l'emprise de la famine. Trop d'infâmes aux tristes mines. Gâcher une amitié à cause de l'argent. Comme FR, tu resteras nature dans ce dur métier. Même si c'est pas évident qu'on vive dans ce qu'on appelle zone DSU. Quartier défavorisé, parents toujours déçus. Pour s'échapper d'en dessous, on ira chercher au-dessus. Si on te demande d'où tu viens, dis-leur, te casse. Je porte le drapeau des miens qui vient des quartiers nord de Mars. Favelas, tu le reconnais là. Juliette Oscar, comme Faf, trop de rage, hélas. Qui parle de vie de rêve, plutôt une vie de crève. On aimerait tous brasser des liasses sans perdre la face. Ni attendre que les choses se fassent. Chaque cité a ses problèmes et tout idem. Là les commissariats, trop de ribous. Joue les cordons bleus. Cuisine nos frères pour qu'ils se vendent, c'est ventre entre eux. J'en place une pour ceux qui font parler d'eux. Les vendeurs de chut qui rendent fou si Charlot en combi bleu. Acte signé revendiqué. Hymne à la racaille de France. Hymne mauvais garçon qui s'en balance. C'est sûr qu'il a dit sa charne avec carne et fait tant de séquelles. On aurait voulu s'en sortir, fuir, ne pas signer de VSL. Hymne à la gloire de la racaille, l'équipe. Les mecs avec qui on partage comme peine et de joie. Sur qui on peut compter au coin où il y a un jab. Fier derrière ce groupe comme les Marseille pour l'OM. Je suis de ceux que 30% d'enculés voudraient bien voir virer. Ceux qui squattent et pompent sur les escaliers de ton palier. Ceux sur qui tu mets des étiquettes d'immigrés mal élevés, des mal aimés. Dégoûtés de cette société d'enculés qui pendant des années nous a bernés oubliés. Aujourd'hui si on fout la merde, c'est pas que notre faute allait pleurer. Du côté de l'assemblée qu'ils assument et arrête de nous leurrer. Nous faire passer pour des mecs pour tout brûler, les laisser suite près. La montée de la violence dans les cités, qu'est-ce qu'ils font pour nous? C'est pas aujourd'hui qu'il faut se réveiller. Il faut tard que jamais. La nuit tombée en quand nos morts assassinés par police, on se serre les coudes. Un tel coup dur et ça risque pas de changer. On est soudés, solides et solidaires. Comme des mousquetaires, ce genre de mots qui te laissent jamais en galère. On part pour tous revenir ou tous y rester. Même en cas de guerre, on laisse pas de victimes au combat, tu sais. La devise au quartier, c'est je suis prêt à mourir si toi tu l'es pour moi. Sois de ceux fiers de leurs origines. Pas comme leur père qui hier s'appelait Abder. Je représente tous ces membres qui se reconnaissent dans ce qu'on dit. Ceux qui fument écoutent le squad et se disent c'est ainsi que va la vie. Troisième œil en 99, hymne à la racaille de France. Session classique. Mauvaise langue, c'est ça, gars, ça arrive aussi. Merci pour les messages, fait plaisir le nombre de messages. Continue à bombarder, hashtag la nocturne, hashtag Skyrock. Rap. 100% rap français. C'est saga. Malical morte. C'est saga. Et yo, regarde le ciel et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Je crois que c'est l'éclat d'AIM ou parfum d'IA. Qui n'est rafraîchi les gars, constipé. Tu peux taire à ma vie constituée de paix. Puant, de shit gluant, de chimie truant. Sur les jeunes truants, bruyants. Tu portes l'arme vraiment. Faut que tu m'attends, je tape du marathon avec la PJ. Quand je tape mon baratin, je ne pas le. Mais avant je passe chez le Siri. Prime du coin, pêche un flash de whisky. Et roule un bourgeois en tenant les murs. Arrosé de puisque je gratte comme une ordure. Tu vends, tu sais, sûr, sûr. J'ai devenu l'escroc, glitch métallisé. Mais le porteur de trocole, ta soeur doit toujours banaliser. Il faut que ça change un jour ou l'autre. Faut que je mange, il faut que je me range comme les autres. Ceux qui taffent un max à l'école, ceux qui relaxent et vite d'être gogol. Les bulles et les heures d'école, mais je picole et fume en cours. Rigole, contrôle le stock dans la cour. Donc de ma soquette, sors la hi-hop, j'fume la moquette. Écoute sa conquête, au max balance des roquettes. Get, get, quand tu planes comme ton Starket. Et si tu vois mousquet, vole-le dans le supermarket. Andec, Vlad, super mec, tech, tech, tech. Lycien comme sur la mec, genre de mec, rêveur de roulouge à la mec. Mais j'suis mauvais quand tu sais que j'picole et fume sec. Donc j'fume sec, les vaxades pour les boys bad et old grad. Des balades, saga. Des voitures banalisées, ceux qui viennent analyser l'alias que j'ai réalisé. C'est saga. Comme je vis toujours la même chose, je cracherai toujours des flammes au mic, le bitume morose. Et les grosses tours m'enferment dans ma zac, les braquages abondent. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fonde? On est seul au monde, contre cette race immonde. Généralise parce que vous le faites et je me fous de vous offenser. La traite des nègres est gravée à jamais dans mes pensées. C'est pas que je suis rancunier, mais ne me dis pas que j'ai tort. Après avoir rangé les négriers, lâche les porcs, c'est fort. Vouloir nous détruire ainsi, alors que certains sont morts, attiraillés à mort. Pourtant la France, elle est droite dans le décor, maintenant que les tricolores sont blindés. Ils veulent évacuer, soi-disant c'est les immigrés. Putain, mais quel boisson que tu l'es. J'en ai marre de ces branleurs qui vivent dans ce taudis là. Ils détruisent la ville, polluent la rue, mais qu'ils soient maudits, on nous la mise dans le cul. Et à leurs yeux, on est une existence à plus le faux cul. À la mairie et même chez l'assistante, donc tant qu'à faire, on tente de tout détruire. Sur le passage, des braquages de box pour aboutir à nos mirages. Y'a trop la rage, même dans nos yeux, ça se voit. Vivement qu'on tourne la page pour laisser les cons. Sans voix, mais je parle pas pour moi. On est des millions dans ce cas qui enculent l'État. Puis en promesse, puis à halal, mais alors. Saga. C'est saga. On rose la tête, c'est. On rose de la tête, c'est. Chololo, j'pose, c'est. Moulino, riche, c'est. Jeune baby. À tous les MC. Les croûts de Paris. On est. Je vois la cam, on mérite mieux. J'ai vu des gars qui dealaient de la meucla sur les asphères. La yoma 200 000 francs et serait malé. Criquet, criquet, clat du nodé dans les escaliers qui les rend hein, différents. Tant que c'est pas le petit refrain, des morts et des morts. Sur la conscience, mais oui, ils s'en foutent. Quand t'es dans le vice, pas trop mort, du vent coûte que coûte. Pour le prix que ça coûte, ils en proposent même au scout. Et quand ils se font sauter au scout ou en prison, le shoot. Le genre de dealer qui stoppe tout quand le petit frère se shoot. Et ça se passe mal ou au cimetière termine sa route. La cam est dangereuse, même. Pour tes proches, plus tu vends de paquets, plus la mort se rapproche. Oh, poché ou raccroché, à toi de décider. Dieu est grand, moi je suis fauché, je veux pas décéder. D'une balle lâchée par un de la clame obsédé. Je préfère pas décéder, rien ne me fera céder. Tout ça doit cesser, je plus la cesser. Ça serait trop baissé, blesser tes proches, le crime paie. Mais pas tu l'as pu fait chier. Tu pétais la forme, maintenant ton zen, tes membres pétés sans dents. Tu perds ton poids et t'es hors norme. On va dire à tes parents, ouais. Votre enfant est dans la clame. Non, non, non, non, non. Deal, non, non, non, non. Toi alors, ouais. Je sais que c'est pas mon job, j'suis dans le trip, boîte marée. C'est pour les pauvres et trop bas pour les snobs qui savent pas se marrer. C'est saga. Ouais. C'est saga. Ouais. C'est saga. Ouais. C'est saga. Yo. Yo, yo, un jour viendra où le vrai hip-hop fera surface en masse. Tous les rappeurs en undercover auront beaucoup de classe. Certains diront y'a pas le feu, mais faut bien suivre la cadence. Et surpasse, alors nique sa race. Il faut bien que j'avance, c'est Lino. Mauvaise que je m'applique pour mes doyens. De la malle est calme, mort, ouais. Une dédicace, fort, je porte la poisse. Au but d'un enfoiré de FOMC. Je défonce comme un sexy, le nez droit main. Je deviens très précis, je vis dans la rue. Mon rap vient de la rue, mon mic, je nique les intrus. Et tu rap putain d'instru. En plus, je suis un pur gars, fier de l'aide, dédicace à tous mes frères. Dans la merde, on s'entraide pour sortir cette galère. Les nerfs montent, à un moment donné, c'est sûr, mais je garde espoir. Faut y croire, un jour viendra nous aussi. On aura le pouvoir, j'analyse, je comprends, j'observe et j'actionne. Quand il s'agit de rap et de rap, je mets la dose au maximum. Original MC comme Kerry, et un pur hip-hop junkie. Microphone aiguisé, dédicace au vrai et au monkey. J'évolue, je progresse, j'améliore mes compétences. Je m'alligance sans cesse, mais j'ai quand même des préférences. Je fais que d'écrire des lyrics, des putains de textes explicites. Mauvaise langue, mon ventre représente. Je lâche pas l'affaire, j'insiste. Le mic, je déclencherai une révolution. On en a marre de la merde, putain. Je suis pour l'évolution. C'est saga. C'est saga. C'est saga. C'est saga. C'est saga. On est en 1999, certains à l'écoute n'étaient pas nés ou poussaient leur premier cri. D'autres kiffaient déjà le son d'héritier de la rue, mauvaise langue avec Mala. Puis on va rester dans le 9-2 évidemment avec un album qui est sorti en 99, celui de Monsieur Zozo. Zoxy dans la nocturne, grosse dédicace à Zoxy. Busta Flex, la rue est vers le Roro. Rose la tête,

Et toi Rodney King, la matraque à main, toi au sol sur ce parking. Si j'étais flic, est-ce que j'accepterais les pots de vin? Après une saisie de coke, détourner ma part du butin. Si j'étais flic noir, est-ce que je voudrais le malheur d'un frère? Lui disant que sa mort, ça fait une racaille en moins. Si j'étais flic, est-ce que je voudrais être criminel comme ça? Avoir la légende d'honneur ou avoir le statut de star? Soutenir mon collègue après cette bavure dans le 18? Tenter le suicide en regardant après une bonne cuite? Est-ce que je suis flic parce que j'aime ça? Quand j'ai la trouille devant ces jeunes, est-ce que ça sent? Est-ce que je suis en confiance juste parce que j'ai mon arme? Car chaque moindre geste, je les allume tous. Est-ce que j'accepterais que des négros chantent sacrifice de poulet? Vu que je suis pas, je cautionne en plus qu'on les sanctionne. Si j'étais, heureusement que je suis pas flic moi. Si j'étais, si je t'appelle plus, tu le mérites toi. Si j'étais, y a-t-il un mal à ce chant antifasciste? Si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais. La loi sera même pour toi comme pour moi. Si j'étais, je serais une femme digne de porte et snow. Si j'étais, je serais un noir pacifiste et fier de l'être. Si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais. J'étais femme, aurais-je conscience que je suis nombril du monde? Qu'avortement signifie assassinat d'un môme. Avec ce que j'ai, qui n'ont pas, je peux anéantir le monde. Et vu que je suis pas, je regarde ce que Monica a fait à Clinton. Si j'étais femme, je voudrais être aux apart sous Nefertiti. Mais on peut même devenir femme, regarde RuPaul. Est-ce que j'aime Marianne alcoolique qui frappe mes fils? Amoureux de lui malgré le fait qu'il soit récidiviste. Est-ce que j'accepterais Ken avec Jackie? Pete le pote à Jackie, Benji le pote à Pete, donc le pote à Jackie. Avoir une bite comme logo ou être la go, la plus Ken du coin, c'est sale comme un mec qui baisse sa sœur. Heureusement, je suis pas cette chienne qui aime se faire ken, qui pleure et se plaint quand je lui dis qui elle est. Je suis un mâle, un chien, bâtard, pute et insolent dans mes propos. Normal, je suis un pit. Si j'étais, heureusement que je suis pas flic moi. Si j'étais, si je t'appelle pute, tu le mérites toi. Si j'étais, y a-t-il un mal à ce chant antifasciste? Si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais. La loi serait même pour toi comme pour moi. Si j'étais, je serais une femme digne de porte et snow. Si j'étais, je suis un noir pacifiste et fier de l'être. Si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais. Si j'étais blanc, bleu, blanc, rouge, bleu pour ma gueule. Après les patates d'un nègre blanc, pour la soi-disant pureté de cette race. Rouge je viens quand je suis seul à minuit avec des bigots. Si j'étais blanc, est-ce que j'aurais peur du ghetto français? Parce que je sais que dans ces cités j'en ai offensé. Est-ce que je me reconnaîtrais dans le Front National? Est-ce que je penserais que les autres races sont inférieures? Est-ce que je dirais que ça pue à l'état supérieur? Est-ce que j'accepterais d'avoir un noir comme patron? Est-ce que j'accepterais comme gendre Abdelkrim, criminel par sa peau couleur café crème? Si j'étais skin, comment savourer les deux buts d'une édine? Si j'étais blanc, je suis noir, ça se voit noir sur blanc. Et pour la peine, je finis salement par un blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Si j'étais, heureusement que je suis pas flic moi. Si j'étais, si je t'appelle pute tu le mérites toi. Si j'étais, y a-t-il un mal à ce que je sois antifasciste? Si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais. La loi serait même pour toi comme pour moi. Si j'étais, je serais une femme digne de porte et snow. Si j'étais, je serais un noir pacifiste et fier de l'être. Si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais. Heureusement que je suis pas flic moi. Si j'étais, si je t'appelle pute tu le mérites toi. Si j'étais, y a-t-il un mal à ce que je sois antifasciste? Si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais. La loi serait même pour toi comme pour moi. Si j'étais, je serais une femme digne de porte et snow. Si j'étais, je suis un noir pacifiste et fier de l'être. Si j'étais, si j'étais, si j'étais, si j'étais. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Ouais, R10 Plasma mon frère. Celle-là est pour toi, rien que pour toi. Spécialement dédicacé, que ton âme repose en paix. Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère? Et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre? Mon récit, si t'as perdu un être cher. Et si, tout simplement si, mes rêves sont hantés par ta vision, je suis tenté maintes et maintes fois de pleurer, crier à Dieu. Pourquoi c'est moi que t'as pris? Prier c'est mieux que désespérer, tempérer la peine dans ma poitrine. Pour toi, la vie à l'horizon, aucun signe du destin. T'as voulu partir, t'as pris le mauvais chemin. Le cœur sur la main, tes sauces, tes assos. Pour toi ça comptait, mais pour eux, est-ce que tu comptais? Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère? Et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre? Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère? Et si, tout simplement si. Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère? Et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre? Mon récit, si t'as perdu un être cher. Et si, tout simplement si. Je sais que plus jamais je te reverrai, c'est sûr. Aussi sûr qu'on t'a mis en terre que je t'aimais mon frère. Aussi sûr que tes potes au mur, pour moi c'est dur. C'est surmonter la mort, me dire que t'es là pour veiller sur nous. Hey, ton petit frère compte sur toi, le lâche pas. Et je te vois en lui, j'ai la foi. Le voir devenir quelqu'un, il y met du sien, bien sûr. C'est lui qui a le plus souffert, mais dis rien. L'exemple tu lui donnais, sur toi il a pompé. L'exemple du boy play de la sape, sur toi il a pompé. Fusil à pompe, canon scié. Est-ce que j'ai besoin de dire ce qui s'est passé? Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère? Et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre? Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère? Et si, tout simplement.

C'est quoi l'odeur ici, c'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique leur or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici, c'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique leur or et on les fout dehors. Rap 100% rap français. La Nocturne Classique 99. Ça continue. Ça continue, enfin, normalement, si le son part. Alors, petit souci comme d'hab, hein, la Nocturne en direct, 100% rap français. Allez, retour en 99, c'est bon, ça a marché cette fois-ci. Avec le Bisso Nabisso. Les mécontents dans ces drames qui rendent les armes du mal de qui coule les larmes. Miséricorde à ces félins qui laissent veuves et orphelins. Vallée de l'angoisse, péché, enfant égaré, reine de la tristesse. Beaucoup trop de gens sont tombés, tour à tour nos pays sont bombés, les nôtres bombés. Jalousie, haine, hostilité, ah mon dombé. Prends la grève, mes rêves deviennent cauchemar. Une brève nouvelle du front, la sève du mal coule, fin de la trêve. C'est comme une jungle en slalom entre flingue et câble. L'homme crève parce qu'elle va bien faible pour les pommes. Je lève les yeux, m'élève vers les cieux. Dieu bénisse mon âme, préserve de la lame des envieux. Il trame et du feu, ça crame, je rime, rame entre le crime et les pleurs. Les fleurs fanent, la foi prime, les nous en mission pour le Seigneur. Des médiums et marabouts, des chiens enragés, de l'opium, le patron et le moukouyou. Des sorts jetés, tant de morts sur la jetée. Prier, crier de souffrance, mon corps veut lâcher. Je veux marcher auprès de l'éternel, ne plus me faire acheter et fuir les querelles. Dans un monde qui ne pardonne pas, sans foi ni loi, Tatanzambe, ici-bas, on a besoin de toi. Avec notre esprit, afin d'affermir notre foi. Le bon chemin est si étroit que sa lumière nous éclaire, afin que l'on soit sur la bonne voie. Au-delà des iniquités et des plaisirs charnels, Bisso Nabisso revient louer l'éternel. Les sept anges ici-bas ont bien reçu l'appel. Je prêche ces quelques mots, les yeux rivés vers le ciel. À toi, Seigneur de l'univers, guide-nous vers le droit chemin, chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs. Prions avec ferveur, frères et sœurs, sachez attendrir vos cœurs. Dans le jardin des hommes, que la foi bouleverse et gêne le pécheur, qu'elle incite, qu'elle entraîne à se dépasser, qu'elle communique. Quelle que soit ta foi, un seul Dieu unique. Mes propres yeux, je veux ma place dans le royaume des cieux. Tatanzambe, ta venue est proche, mes frères. Ouvrez vos cœurs ainsi que ceux de vos proches. Car dans sa droite une longue vie, sa gauche la richesse, la gloire là-haut. Pas de mauvais esprit, ni de bleu, ni de blanc, ni de rouge. Le droit des millénaires se profile et la jeunesse voit. Fait de moi, ça fait des mois que je me cherche. Pêche dans mes recherches, recherche en vain des portes, une brèche. À 100 milieux sous la merde, ça merde à chaque fois. Essaie de m'en sortir et garde foi et hop pour 4 mois de folie. Échappe-toi du chemin, il me disait. Viens dans la luxure, appelle tes potes. La belle vie pour tout, j'assure, amen. J'ai su me relever alors que d'autres reposent en paix. Je dois ma vie à une seule personne dans ce monde. Tatanzambe, Tatanzambe, classique 99, le Bisso Nabisso Tatan Zambé, avec la voix d'Empassi. Allez, reste quelques sons, on va déraper, non. Quoique, on va déborder un peu plus. Planète Rap, sur replongeons-nous sur cet album qui a marqué l'année 99. Ouais, gros. Le 113. Hey gros, sur le bitume, on a le moral à zéro. Ouais gros, mais je sais pas combien de temps on va se tenir à carreau gros. En plus gros, autour de nous, ça devient paro. C'est devenu la routine, gros, d'aller derrière les barreaux. Justement, on parle de barreau, justement, on pense à toi gros. Et tous nos potes qui vont dans le détail. Ou en gros, mon gros, à la fortasse, Bico, Negro, RERC, Vitry, viens dans mon ghetto. Si t'es mon poteau, on fumera des big potos. Ouais gros, à la roco, que des gros foulecs locaux. Va dire à la Lispo, on va brûler leurs locaux. Appelle-moi gros, comme Youssouf, pas de mangeur de hellouf, ni d'indique que des trucs de ouf. Mafia africaine, autrement dit, la rage du ghetto. Si tu veux nous peser gros, faudra que me béto. Coupe star et les kiffs, ouais gros, pas d'indique, ouais gros, stylidique, ouais gros. Star bureau shit, Camille Roots star et les kiffs, ouais gros, pas d'indique, ouais gros, stylidique, ouais gros. Qui car bureau shit, et l'équipe sur nos sites, pas d'indique. On est plutôt du genre Zizdi qui carbure au shit. Allure d'ordure, fortasse, big fumée toxique. Mais méfie-toi de ce que ma cité abrite. Si tu nous mates du mauvais oeil, même ça fait rien. Faut que tu saches que je mène une vie pas très catholique. Ma technique, souvent illicite pour faire du fric. Système D, là en 5 minutes les flics rappliquent. La suite tu connais, poursuite. La couverture que j'ai trouvé mieux, aujourd'hui la musique. À grande échelle, on se fait une clientèle. De la plus belle des tasses au plus grand criminel. Principalement Kafri Arabic Hell. Brille à 5 km, donc les keufs interpellent. Je réponds à l'appel, incendie criminel. Si tu veux qu'on se rappelle de toi, y'a rien de tel qu'un bon bête du bled. Pour causer des séquelles, je réponds à l'appel. On se lève, le glaive, je viens visiter HLM. J'ai grandi avec la rage et la haine. Là où les bêtes s'adressent aux belles pour une nuit à l'hôtel. Ne faut pas qu'elle soit sur d'elle, c'est pas une lune de miel. Je sais pas si elle est pucelle, mais dans le lit y'aura querelle. Querelle, après un cocktail, bombé clan comme belle. Je dis, je suis du clan central. Elle a trouvé ça sensuel, sexuel. Sur la version malfaiteur, sexuel. C'est un rituel, la secte mafia africaine, gros. Ouais, gros. Camille Roots star et l'équipe, ouais gros, indique, ouais gros, stylidique, ouais gros, Camille Roots shit, Camille Roots star et l'équipe, ouais gros, indique, ouais gros, stylidique, ouais gros, Camille Roots shit, habitué du hall 13. Camille Roots. Camille Roots star. Nocturne à 999 avec le 113, ouais gros. En 99, il y avait aussi une tendance un peu électro comme ça qui était initiée aussi avec DJ Mehdi évidemment. Et puis la caution qui signait un morceau Les Rues Électriques, c'est ce qu'on va écouter maintenant. On repartira aussi avec le son de Sniper qui posait sur BOSS. BOSS, volume 1. Exercice de style, ça arrive. Nocturne. Merci, franchement, tous les messages, ça fait plaisir. Continuez, bombarder, hashtag Skyrock, hashtag La Nocturne. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. C'est là qu'on ponctue. Noctant, bus noctant. Flo acupunctue. J'attends, bouge, j'attends. Flous. Puisqu'à cette période, tu danses plus le disco. Je suis l'érudit dans les rues de San Francisco. Ici, seul le V6 vide dans les caves. Ici, les récits parlent du mal, t'en perds tes cheveux. C'est la calvitie. J'veux plus de, j'en ai ma claque de. Marcher dans le bloc, dans ma tête, robeux et black. Cause des accidents, panique de. Voir mon sang giclé. Les cernes, les merdes, les blocs, les glandes annihilées. Fumer mon large, le général, Flash générateur, généreux, flash accélérateur. J'aime le jeu, les casinos, j'accentue le jackpot, j'actionne la chance. Dans ce casino, la scarne fraîche, cautionneur, sanctionneur. J'ai un jeu de hasard, c'est bazar, des couilles dans le balzar. Et alors, les gamins avares, loin de la fac, de Harvard, point d'heure. Lavage de toxines, gavage de crâne, de rage toxique, la fumée reste, et alors. Les halls, les murs, les desks, les caves. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand notre univers c'est as? Le tag, le graph, le rap, le break. On garde notre âge pour ne pas qu'on nous baise. Les halls, les murs, les desks, les caves. Le problème, la prise dans le FN et les flics. Le tag, le graph, le rap, le break. Les embrouilles, les armes, la cam et le shit. Yo, le dance hall, yo, on assise. Nick Fury high tech, yo, c'est ainsi. Mais la scar zone et c'est des gommes, se cognent, squat, les squats, les kiosques se gagnent à l'alcool, se collent au pool. Colossal, montre les gros drones, se collent au pool. Les moloscales contre les gros boss pool. Que les colosses gagnent, c'est colonial comme l'héritage de la haine. La même haine avec qui tous les skins FN baissent. La même flemme avec qui tous les arabes noirs couchent. La Heineken avec la 8-6-8 sur Bidis. Lui c'est high tech qui tag est grave, de Montreuil à Stalingrad. J'écris bien donc j'allie phrase et calligraphie. J'attends ton problème. C'est le prof qui me tient en retenue. Les codes veulent du spectacle. Ouais, ouais, ça continue. Les tours des tests m'interpellent. Fini, tu t'arracheras plus. Reste quoi. Pour les autres, c'est la même, des fois moins, des fois les plus. Les halls, les murs, les tests, les caves. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand notre univers c'est as? Le tag, le graph, le rap, le break. On garde notre âge pour ne pas qu'on nous pèse. Les halls, les murs, les tests, les caves. Le problème, la pression, le FN et les flics. Le tag, le graph, le rap, le break. Les embrouilles, les armes, la cam et le shit. Si tu veux plus d'informations, assis-toi et t'ennuie. Et si tu t'ennuies, sors de ta poche façon Louis, un putain de sac de weed. Écoute notre réel, t'es pas devant la télé comme Canal Plus. C'est banal en plus, c'est vrai, je mérite un A plus. Caution Chanel, vite glaive comme Spartacus. Mon leadership, l'amour des miens comme Carve Marcus. Dicave ma caisse, les flics veulent entraver ma quest. La caution, notre lotion des textes qui calme. Ayo hey, high-tech et le CZ, injection, gasoil et diesel, injecteur. Sois vénace dans la zone, j'ai lacrymogène, masque. Gaz lâche le secteur, le crime nous gêne, mais j'ai les yeux revolvers, j'évolue vers la rue et la misère, la rue est vers l'or, la rue et ses gosses dans le ciment, si je mens, les bosses dans le bloc, gisant, coup de crosse dans le crâne, crisant, fadat, ville de boss, les gosses, négocie, le bislève de brasse, des liasses, brasse l'air de la prison, calvière, pisse dans la gueule des keufs, chie dans l'Occident, crie dans les oreilles, elles sont stridents. Je suis pas Roméo, mais chère Juliette, une fille bien Roméo, pratiquement complète, pas une café du rodéo, dans toutes les caves du coin, j'aime les sourires en coin, comme Théo, expert en soin, gaz à strip, tiseuse. Cocktail strict pour les teasers. Si t'es tuné, reste pas sur tuner, va acheter le scud. Reste sur tuner si t'es sans tune, passe au dance club. Jusqu'à JT, JZ, souffrance élargie, gel, sans chaud, nickel, naze éclipse, les causeurs d'ennui. Les halls, les murs, les tests, les caves. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand notre univers c'est as? Le tag, le graph, le rap, le break. On garde notre âge pour ne pas qu'on nous baise. Les halls, les murs, les tests, les caves. Le problème, la pression, le FN et les flics. Le tag, le graph, le rap, le break. Les embrouilles, les armes, la cam et les shit. Les shit, les shit. Planète Rap 100% rap français. You are sniper. Compas, compas, compas, ouah. Oh yeah man. We love again the sniper. Avec vous. C'est beau, micro-pronon des fourrailles. Sors un héros, c'est le sniper qui m'y tient. nouveau chapitre. Paré pour la guérilla. Au mic se pose le black nègre au flow, c'est le guérilla. Pas de malaise, à l'aise blaise. Écoute la basse qui pèse, pose pour ma vie. Mat, ma tête. Pas de la foudre, faut se lâcher. Quand vous demandez, faut jamper. Quand le PLA, c'est K-R-E-N-E-G-A. Viens shooter S-S-N-L-I-P-E-R. Black nègre au mic, contrôle l'affaire. Jusqu'ici c'était pour mes artifices. Gros microphone on débouraille. Quand t'as un héros, c'est sniper qui m'imite. Wesh le burst night. Trois gâchettes et verbales et vertices de style. Pour les routes voyons notre artifice. Gros microphone on débouraille. Quand t'as un héros, c'est sniper qui m'imite. Wesh le burst night. Trois gâchettes et verbales et vertices de style. Pour les routes voyons notre artifice. Andek ici c'est le Metek. Fumeur propos Tunisiano au mic. Et fait tourner à mes topos. On est là pour des fourrailles. Présente à mort, plein de snipers qui mitraillent, tout simplement hardcore. Ici c'est la de mer, y'a rien à faire, je traîne rien qu'avec des junks. Des gaillards qui partent en couille, qui bédavent et qui se croient au Bronx. 100% tunisien, 100% tunisien. Y'a le mayhem niche, y'a l'indique voilà met hebni. J'mets les p'kiches, d'abras, j'ai peu le tout, j'vais chine riche. Asma, amani, j'ai nabé, j'n'ai qu'il casse, hayati. L'dame m'taille, harbi, lady ou khwadi. Berit, j'suis le bled de l'koufar, ou t'meredes. La bête que nous y harcou fia, ou ani fhemet. Yema, j'abrit khemsa, kabrit hurma. J'suis le bled de l'gourra, ou ta wika, aïchi ta morra. Aalèche, aalèche. يعيشوا بالقداء واحنا نعيشوا بلاش عاد جاي لميا في جيبي لا فرنك في ايدي بالك شخاطرني عربي وانا ما امنش يكفوني La nocturne. Vamos à la playa. Les sunlights d'Israïa. Avec Sly de Maïa. Exposition hot comme Halia. Halloa, Kitton Himalaya. Uvé Razia. Ayena Ia. Coup de soleil furia. Sol para Rodia. Palpo, Zambipa, Bilpa. Alléluia, s'il Sayan mermet, on mourra quand Carlos pourra ou quand il y aura un ouragan en Europe à Doura ou Lippi pourra le flow et la longue comme un boa. Rappe joue le balboa, athlétique comme Bilbao, comme Bora Bora, mystique tel David Bowie. Vise l'eau, rapide comme le vent, rien comme le vent. Je couche des ignorants comme un mal devant. Le Sayan souffre un griffe, le mic sans jamais soigner. Rapide comme le vent, emportant les âmes enflammées. Une flamme de cyclone décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Le Sayan souffre un griffe, le mic sans jamais soigner. Rapide comme le vent, emportant les âmes enflammées. Une flamme de cyclone décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Mais c'est le Rennes-Marie, son micro ramène une bouée. Entraîne-toi tous les jours, tous les mois, s'il faut toute l'année. Boy, tu peux te marrer, mais sans la main que je suis entraîné. Viens chez moi, si tu veux, je te donne des cours particuliers. Boy, boy, boy, désert dans le son pour le clash. T'es pas très doué. Explique à tes faux, combien mes victimes sont touchées. C'est la combinaison des remèdes ayant la manie éliminée. A tous les divinités, soir, ce vos courants ne vont tomber. Écoute l'écho des plaies, des sandboys ayant pété. Enfermés dans une cage, à présent, ils ne peuvent s'échapper. À toi de ne pas blesser, tous tes actes, il faut les assumer. Un son de plus est tombé, ouais, mais les suivants n'ont qu'à se méfier. Tu auras de marrer, sur le micro ramène une bouée. Entraîne-toi tous les jours, tous les mois, s'il faut toute l'année. Sans moi, tu peux te marrer, mais sur la machine entraînée. Viens chez moi, si tu veux, c'est dans des taux particuliers. Le Sayan Soupa, classique 99, Sayan Soupa Crew, Rat de Marais. Emportant les âmes enflammées, telle une flamme de cyclone décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rat de Marais. Le Sayan Soupa griffe le mic sans jamais se soigner. Rapide comme le vent, emportant les âmes enflammées, telle une flamme de cyclone décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rat de Marais. Où s'entend que-t-il tous

français, planète rap. La Nocturne. La Nocturne, avec un album qui était sorti en 99, celui des NAP, Abdelmalik, dédicace, Boulevard des rêves brisés. Et puis on finira avec un petit morceau, merci pour les messages. Ça arrête pas de défiler, hashtag La Nocturne, hashtag La Nocturne, hashtag Skyrock. 100% classique ce soir, année 99 à l'honneur. Visage de cendre garçon, pour nous la clarté était pénombre, une vie en vase clos. Nos habitudes c'était nos défauts, le mal de tête, ces tours immenses toujours nous agressent. Y'avait pas de solution pour consentir qu'on change d'adresse. Enfant d'immigré, toujours jugé la même enseigne. Maintenant on pleure plus, on sourit même quand on saigne. Résigné, on croyait que nous on n'avait pas le droit de rêver. Tous les jours on traînait sur le boulevard des rêves brisés. Les éclats de verre, on faisait tout toujours à l'envers. On croyait que c'était bien seulement, les mots m'ont sauvé. Purgé la douleur en moi, que j'emmagasinais. Mais ma réflexion reste bloquée sur les mêmes thèmes. Le spirituel, mon vécu, la rue, la femme que j'aime. La famille, elle compte toujours plus malgré les problèmes. Pour essayer de changer, de m'améliorer, j'accepte les conseils. Le rap a changé nos vies, le rêve ne sera plus jamais pareil. Le malheur devient le quartier. Jeune déchiré, refuge HLM défoncé. Le mal gola la peau après trop. La vie fait un rouleau. Les beaux LS finissent en lambeaux. Les enfants jouent les embos. J'aurais voulu rester anonyme. L'autre c'est synonyme des cités abîmes. L'état d'esprit de toutes les familles. Je regrette tant de choses, mais le regret est insignifiant. Ça me fait rire de voir que dans le rap certains font semblant. À ce moment 500, l'écriture devient calmant. Malgré les apparences, la vie de maintenant est plus dure qu'avant. Très peu d'espoir, le rap devient un échappatoire. La religion, ils veulent pas y croire. Ils veulent d'abord voir, ici tous monnaie. La monnaie place comme polo, le change de dolo. Pour ça, certaines meufs deviennent des nymphos. Réfléchis, regarde comment tu te vois dans 10 ans. Le futur c'est maintenant, c'est fou, rien n'est plus comme avant. Tu vois le topo, enfance malheureuse, gosse battu. Un père, non, un salaud. Au premier boulot, gratis pour ma mère et ses filles. Je l'ai abattu, elles m'ont jeté. C'est la vie, fils, cool minot. Pour du fric, je sais le faire. Et si je galérais, je dégomme des blaires pour du cash, gazier. Un tueur à gage, un mec sans âme. Un mec qui pense avec l'arme, sans larmes. Un mec qui traîne des cadavres. Un passé, trouble, 5 ans de répit. À tuer. Et un jour tu paies le prix. Ça tombe quand tu t'y attends pas. Ton passé ressurgit. Trouble, tu prends la vie, tu perds la vie. C'est ainsi mais... quoi, faut pas que je perde de vue la vie que je menais. La morale je m'étais fixée. Que je bascule pas dans le passé. C'est censé vouloir dire quoi. Moi je vais y passer. Philosopher, padré, ton dieu, ce qui va me jeter. Finalement je raconte n'importe quoi. Je sais que vous voulez m'aider. Mais je sens, je sais la fin. Je veux pas mourir. Je m'en fous, je tiens plus le coup. C'est la haine qui l'emporte. Et j'en veux à ceux qui ont soufflé mon bonheur. Mais forcer ma joie, ma vie. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. Chronomètre actionné. Yeah, processus enclenché. Si demain le monde entier explosait, un dernier jour sur terre a passé. Y'a quoi? Y'a quoi? Et yo, y'a rien de neuf. Toujours les mêmes histoires à compter. Les mêmes jours qui passent, les mêmes billets qui filtrent dans mes mains. Les mêmes regards, les mêmes sensations. Fin de siècle oblige, Paris qu'un vestige. Les pierres froides de mal, est-ce qu'on se fiche? Vertige, explosion. Police, tir, collision, tension, manifestation. La violence frappe brutalement comme un faucon. Les photos planent, la chair en crame. Jour et nuit sous les flammes de l'enfer. Les qui cherchent à prendre la boliane. C'est plein de fauves qui rôdent.

prochaine nocturne, ce sera dans une semaine. La semaine prochaine, il y a Jazzy Baz qui débarque dans Planète Rap entre 20 et 21. Et là, c'est Fabuleux qui reprend le contrôle. Rap R&B en non-stop. Bonne nuit, bon week-end, ciao. Du rap, et du R&B. Rap and R&B. Non-stop. Skyrock. Rap et R&B non-stop.